Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouvons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui. Des savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, en fait, du moins pour le grand public. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous fais découvrir Marie Tarp. Pourquoi est-ce que nous en avons jamais entendu parler, cette femme? Oui, curieusement, Marie Tarp a laissé sa marque à une époque et dans un domaine où, disons-le, malheureusement, on ne laissait pas vraiment la place aux femmes à cette époque-là, mm-hmm. les années 50, 60, et dans le domaine très conservateur de la géologie. Et pourtant, les travaux minutieux de Marie Tarp en cartographie océanique, élaborés patiemment sur plusieurs années, ont littéralement révolutionné les sciences de la Terre au milieu du 20e siècle. Et Frédéric, qui était Marie Tarp? Marie Tarp est née dans le Michigan, en 1920, dans une famille qui bougeait beaucoup. Et ça, c'est important. Son père était cartographe. Cartographe des sols pour le ministère fédéral de l'Agriculture. Donc, la famille déménageait constamment à travers les États-Unis au gré des contrats, donc, du paternel. Mm-hmm. Quelque part dans le sud des États-Unis durant l'hiver, quelque part dans le nord du pays durant l'été. Et on estime, Marie elle-même estime qu'elle a fréquenté du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire d'une vingtaine d'écoles à travers le pays. Donc, elle s'est promenée beaucoup, beaucoup. Et si on avance un peu dans le temps, au niveau universitaire, c'est une étudiante très curieuse et multidisciplinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, elle obtient un bac en anglais et un autre en musique à l'âge de 23 ans à l'Université d'Ohio, puis une maîtrise en géologie à l'Université du Michigan l'année suivante. Et c'est en travaillant comme géologue dans une compagnie d'exploration pétrolière, elle n'aime pas vraiment ça, après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle trouve le temps de compléter, durant les cours du soir, une maîtrise en mathématiques, rien de moins, à l'Université de Tulsa, qui est en Oklahoma. C'est quand même un parcours assez particulier. Oui. Et aussi, elle était un peu quand même prédestinée, puis son père étant cartographe. Cartographe, justement, elle s'intéressait beaucoup au paysage, à l'évolution des paysages. Justement, elle était tombée dedans quand elle était petite. Uh-huh. Et justement, en 48, fin des années 40, et c'est là qu'elle est engagée au département de géologie à l'Université de Columbia, dans la ville de New York, dans l'équipe du géologue océanographe Morris Doc Ewing, qui, lui, est un personnage assez flamboyant et central dans l'histoire des sciences de la Terre, dont nous reparlerons, qui sait, peut-être, dans une prochaine chronique. Mais si je reviens à Marie Tarp, sa première tâche, lorsqu'elle est engagée en 48, va être de tenter de localiser, à l'aide de photographies qui ont été prises dans les fonds marins, des carcasses d'avions de l'armée américaine qui avaient été abattues durant la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle va faire ses premières découvertes sur les fonds marins. Et donc, je vais y revenir plus tard, mais elle va travailler à l'Université de Columbia jusqu'à sa retraite en 1983 et elle va mourir d'un cancer en 2006 à l'âge vénérable quand même de 86 ans. Oui, effectivement. Et c'est bien aussi qu'elle n'ait pas été complètement éclipsée par son mari, parce que ça aurait pu être le cas aussi, non? Ça aurait pu, mais à cette époque-là, elle n'était pas officiellement mariée avec son collègue dont je vais parler plus tard. C'était plutôt un compagnon de vie, comme on indique. Okay. Donc, elle n'a pas laissé de descendance, si on veut. Ah bon? Ouais. Et quel est le contexte scientifique en géologie à la fin des années 40, lorsque Marie Tarp débute sa carrière? Bon, donc elle vient d'être engagée, on est à la fin des années 40, la guerre est terminée depuis quelques années seulement, mais malgré qu'il y a eu certaines innovations technologiques effectuées justement dans le domaine militaire, comme le sonar, on en sait très, très peu sur la nature des fonds marins. En fait, pour les gens à l'époque, les fonds marins, c'est un tapis, un plancher profond, plat. Okay. Il se passe pas grand-chose là, à perte de vue. Mais voilà-t-il pas qu'en étudiant attentivement les photos des fonds marins dont je viens de parler, prises durant la guerre, Mary Tarp et son collègue, son compagnon de travail slash compagnon de vie, Bruce Hazen, vont s'apercevoir que la topographie sous-marine est loin d'être uniforme et lisse. Il y a des falaises, des vallées, des chaînes de montagnes, des volcans, littéralement partout dans le fond. Tout sauf plat, finalement. C'est tout sauf plat, finalement. Alors, première constatation, première surprise. Du moins, c'est le cas dans l'Atlantique Nord, là où les travaux de Mary Tarp et Bruce Hazen sont d'abord concentrés. Et le tandem, ce qui est remarquable, c'est qu'à partir de la fin des années 40 jusque dans les années 70, pendant près d'une trentaine d'années, le tandem va passer les prochaines années, même décennies, à cartographier le fond des océans partout dans le monde. Hazen, lui, est à bord d'un navire océanographique pour récolter les données de profondeur à intervalles réguliers. Et Mary Tarp, elle, est au laboratoire à compiler les données sur des cartes, point par point, au stylo et à la règle. Il faut savoir qu'à l'époque, jusque dans les années 60, Mary n'est pas admise sur le navire, comme je disais tout à l'heure, un monde relativement sexiste, jusque du moins dans les années 60. Fait qu'elle reste au laboratoire, mais d'un autre côté, c'est elle qui va patiemment intégrer données après données, ce qui est récolté à bord du navire. Donc, la première carte sous-marine de l'Atlantique Nord va être publiée en 59, suivie deux ans plus tard de l'Atlantique Sud, en 64 l'océan Indien, jusque à la fin des années 70, finalement, la carte mondiale du plancher océanique qui va être compilé en 1977 et qui est encore d'ailleurs utilisé aujourd'hui, un travail remarquable. Mm-hmm. Et alors, qu'elles ont de si remarquable, ces cartes? Bien, deux choses. La première chose, c'est que ces cartes-là vont révéler toute la complexité, j'en parlais tout à l'heure, la complexité, la richesse topographique des fonds marins. On pensait à l'époque que c'était lisse. Et non, ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'était à une époque où on connaissait à peu près rien des fonds marins. En fait, on disposait de cartes assez précises pour les régions côtières, donc près des villes et tout ça, mais les portions profondes des océans, qui pourtant constituent la grande majorité du volume des océans, de la superficie des océans, étaient très peu explorées à cette époque-là. Donc, l'utilisation du sonar pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement pour localiser les sous-marins ennemis, va apporter les premiers indices sur les reliefs sous-marins, mais c'est encore des données très ponctuelles, incomplètes, restreintes dans l'espace. Et c'est grâce au travail de moines, disons-le, systématique de Mary Tarp et Bruce Hazen, que ce relief va être connu en continu partout à surface de la planète au terme de plusieurs années de cartographie. Donc ça, premier élément. Mais deuxième élément, c'est remarquable pour de précision pour l'époque avec les moyens technologiques de l'époque. Ah oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été fait au stylo puis à la règle, donc dans les années 40, les années 50, il n'y avait pas les outils très sophistiqués dont on dispose aujourd'hui. Donc chaque mesure de profondeur était notée à bord du navire, soit grâce au sonar, soit carrément parfois à la main en descendant une corde munie d'un poids jusqu'au fond. Uh-huh. Et on notait la position géographique. Et on envoyait ça, le navire envoyait ça après ça au laboratoire. Et chaque mesure était soigneusement localisée sur une carte de base par Mary Tarp, justement. Et c'est en répétant l'opération des milliers de fois que la carte va prendre forme. Et c'est en prenant forme que les cartes bathymétriques des différents océans ont commencé à révéler l'existence, attention, d'une chaîne de montagnes sous-marines qui fait le tour de la Terre en continu sur plus de 60 000 kilomètres, un peu à la manière des coutures sur une balle de baseball. Et c'est ce qu'on a appelé la dorsale médio-océanique, donc découverte majeure par justement Mary Tarp et Bruce Hazen. Mais aujourd'hui, quand on parle de la dorsale océanique, on parle aussi d'expansion des fonds océaniques et de tectonique des plaques et même de son ancêtre, la dérive des continents. Mais à l'époque, l'idée de la dérive des continents ne faisait pas l'unanimité. En quoi les travaux de Tarp ont fait avancer cette idée? Oui, il faut... Mary Tarp, elle va rapidement réaliser que la dorsale océanique dont on vient de parler, c'est en quelque sorte, elle est fissurée, elle est coupée sous le sens de la longueur par une dépression profonde et abrupte qu'on appelle un rift. C'est comme une déchirure dans la croûte terrestre. Et comme si ce rift séparait deux moitiés de montagnes symétriques l'une par rapport à l'autre, qui se font face l'une à l'autre, comme une image miroir, finalement, de chaque côté du rift, sur toute la longueur de la dorsale. Et elle comprend ça dès la fin des années 40, début des années 50. Elle va donc suggérer que des segments de dorsale pourraient être, en fait, des équivalents submergés du grand rift est-africain, Tanzanie, Kenya, une région du globe qui est fissurée en Afrique de l'Est. Autrement dit, le point de départ, les dorsales seraient le point de départ d'un phénomène de divergence entre deux blocs de croûte qui s'éloignent lentement l'un de l'autre grâce à une sorte de tapis roulant des fonds océaniques. Donc, qui était une idée à l'époque qui avait été déjà formulée, mais qui était extrêmement controversée, pas encore accepté. Donc, avec ce genre de travaux-là, ça a été peu à peu un peu plus accepté. Et encore mieux que ça, c'est en se basant sur la localisation précise des séismes sous-marins, des tremblements de terre, donc Mary Tarp va pouvoir cartographier avec encore plus de précision la dorsale, parce qu'elle a compris aussi que les tremblements de terre ne se produisent pas n'importe où au hasard, mais ils sont concentrés au fond à certains endroits de la planète, incluant une étroite bande centrale au milieu des océans. Il y a donc une localisation des sismes qui correspond parfaitement avec la dorsale. Fait qu'elle va utiliser ça pour cartographier la dorsale. Et ça montre, dans le fond, c'est la localisation de ces sismes-là montre la limite entre deux plaques. Comme par exemple aujourd'hui dans l'Atlantique Nord, la dorsale marque la frontière entre la plaque nord-américaine à l'ouest sur laquelle on se trouve et la plaque eurasienne ou eurasiatique à l'est. C'est donc la carte des fonds océaniques, incluant la localisation puis la topographie précise des dorsales, va faire partie des éléments à la base de la théorie de la tectonique des plaques, qui est l'idée centrale en sciences de la Terre, qui va être formulée au cours des années 60, donc peu après les découvertes de Mary Tarp. C'est donc une période intense de découverte à laquelle elle a participé comme actrice de premier plan. Et quel est l'héritage de Mary Tarp dans le monde des sciences de la Terre? Bien, sa mémoire est honorée ici et là, surtout aux États-Unis, évidemment. Par exemple, l'Institut des sciences de la Terre à l'Université de Columbia, où elle a travaillé toutes ces années à la réalisation de ses cartes des fonds marins, il y a là-bas un prix qui porte désormais son nom, le Mary Tarp Fellow, qui a été démarré en 2004. C'est un prix qui est décerné à chaque année depuis, justement, 2004, à des femmes qui se sont illustrées dans le domaine des sciences naturelles. Donc, il a été décerné deux fois, je pense, pendant son vivant? Oui, c'est ça, elle est morte en 2006. Mm-hmm. Donc, elle a vraiment été reconnue, mais à la toute fin de sa vie. Ouais, peut-être que les gens voyaient ça venir puis qu'ils se disaient que ce serait peut-être le temps de l'honorer de son vivant, justement. Et autre chose qui s'est passée de son vivant, au début des années 2000, la Bibliothèque du Congrès américain abrite maintenant l'ensemble des documents scientifiques produits au cours de la carrière de Mary Tarp. C'est une collection de 40 000 items, éléments, qui inclut entre autres des données sur la profondeur d'eau, les types de roches, des fonds marins, des données systémiques et gravimétrique, autrement dit sur le champ de pesanteur terrestre, des rapports techniques et évidemment beaucoup, beaucoup de cartes de la topographie des fonds sous-marins partout à la surface de la planète. Donc, une très grosse collection. On peut dire, bref, que Mary Tarp est une scientifique remarquable qui a laissé sa marque dans un monde d'hommes à une époque qui était franchement assez machiste. Mm-hmm. Alors, merci Frédéric d'avoir fait sortir Mary Tarp des profondeurs océaniques de notre mémoire collective. Et après cette exploration sous-marine, on s'en va au Mexique chez les Mayas. Restez donc avec nous sur CKRL au 89.1.